Megano nous ramo nos vieux. Megano a vif amo. Mao, Mao nyanu, sianu. Megano nous ramo nos vieux. Megano a vif amo. Mao, Mao nyanu, sianu. Oh, oh, oh. Megano nous ramo. Megano a vif amo. Mao. Menyebe no tede chijina o Haye wo u goblona Kwa nyebe mao Mao nyanu Sianu Menyebe no tede chijina o Haye wo u goblona Tona me Menyebe mao Mao nyanu No siano si matona le Mao Mao nyanu siano No siano si matona le Mao Mao nyanu siano Si ya wena wo, ya wena wo, oti ya jeme, ya me mau, mau ye, mau nyale si ya wena wo, ya wena wo, oti ya jeme, ya me nusa, nusa toye. On entend des cris à Rama, des lamentations, des larmes amères. Rachel pleure ses enfants et elle refuse d'être consolée, car ils ne sont plus. Ainsi parle l'Éternel, retiens tes larmes, retiens tes pleurs, car il a salué. Ils reviendront du pays de l'ennemi. Il y a de l'espérance pour ton avenir. Moi, je refuse de pleurer, de gémir. Alléluia. Nyema ranuo. Nyema fakonyo. Abenuke kenyo. Olengobe bona. Nyema fanviwo. Nema fakunyo, na benuke, nuke kenyo, olengobe bona. Nema ganuo, nema ganuo, nema fakunyo, na benuke, nuke kenyo. Bada migado bada benuo, aye o ala nu ye o ke, aye o la nu tom na o, no biya maga kanuo, maga favio, ala banka kenyo bona, nye nye maga kanuo, nye nye maga favio, oh oh oh oh, oh. Maranuo, de Maranuo, de Maranuo, de Maranuo, de Maranuo, de Maranuo, de Maranuo, de Maranuo, thank you. Nusenka enye ya Le yodo metanga le doji Nusenka Kon enye ya Nusenka enye ya Le yodo metanga le doji Nusenka Goenye Jipope nusema Nusema gale doji Nusenga Goenye Elia pe nusema Nusema gale doji Elisa pe nu sema Elisa pe nu sema Ega doji Nu seka Ko enye Ma ufo nu se Ekpoto le doji Ale yo odo le ple mala Ekpoto le lenema Ame siame eke juese la Ne nu se was of flee blood dawoji another kemali awo voya no twale le oya be elisa anya maufa ma anya ma suba ayo no elia wuchi ayo bia no sa yo vibe back buji ayo mause o kala bibla grobe elisa ebaku ayo wati ayo asi petola Habito ko atohawo ba adibalachi Ayo pam Asi wolle kutwa de tim Ayo ko atohawo la Ocho nu tula fukbede Elisa fo yo dolam Ke asi Untula ka Elisa bo fuula Ekbo akbe Ayo ocho ne eba fawoji Ayo ma piano ko nyabe Nuseka enye ya Aye kaka yo do maha Ekpoto lo doji Ma ufo nu se Mando se do pe u Hallelujah, hallelujah Jipo pe nu se ma Nu se ma gale doji Nu se ka Kohenye Jipope nusema Nusema gale doji Nuseka Kohenye Talenta kumi Nusema gale doji Nuseka Kohenye Il est écrit dans Jean le chapitre 5 verset 17 Mais Jésus leur répondit Mon Père agit jusqu'à maintenant Moi aussi j'agis Le Seigneur n'a pas changé Il continue pas à guérir Il continue pas à délivrer Quelle que soit votre intimité Il peut vous délivrer Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Yeah, Lord of mercy. Oh, look at the conquering lion. Coming back again and again and again and again. Yeah, yeah. Sure. Umaya. Fun. Love strong for me. Hey, love strong for me, bella. Hey, no make otro sojeko. Me ben a love strong for me, baby. Boso dumpe komora. Hey, love strong for me, bella. Hey, no make otro sojeko. Hey, no otros ujekon. Hey, enu make otros ujekon. Yeah. Dola deva Abraham go. Ne mate makwa mejo jo en blaton. Nye maga chonju kosia gwedew. A mejo jo en blaton popo. Se se na so don ple gomoa. Dola deva Abraham go. Ne mate makwa mejo jo en blave. Nye maga chonju kosia gwedew. A mejo jo en blave popo. Se se na so don ple gomoa. Ye dola deva Abraham. Na so don ple gomora ye dola deva Abraham bo ne mate makwa mejojo aton krade nye maga chonju kosia gbedeu a mejojo aton popo sese na so don ple gomora ye ha. No vinho ama, Jojo é de Captain Goye. Me brena ama, Jojo é de Capeyeco. Me brena ama, Jojo é de Caia. Burn them to watches, rot upon them, if I go round on them to watches, you know. Oh, be my say, my brother. mano mano agbena awo ye ma ke mu ajo le nyi po la gbo ye ma ke mu ajo le nyi po la gbo ye amesi wo fon ye je hula e te to pe pe me e ma no a pe yesterday e de to pe pe me e ma no a pe ye amesi wo fon e je hula e de to ma fi nya fi nya me Lord is si apelo. Bukwasi akpe na wo. Bukwasi akpe lo. E dog ansyo ne wo nam ta. Bukwasi akpe lo. Yesu fe bu akpe na wo. Bukwa kwesi kone kavare tola di. Le wo toga ka wo dam lo. Bukwasi e. Bukwasi akpe lo. Apollo, we will bona ba mu ba di di mu ye apeto mele grado be ba je yo wo be na du mu se ye afo wo be mu ba di di mu ye apeto mele grado be ba je yo be na du mu se ye afo wo be mu ba di di mu na du mu se ye afo wo be mu ba di di mu. Ava, oh, oh, Ava. Yeah. someone today. God heal someone today. God save someone today. God deliver someone today. It may be you, it may be I, it may be someone by your side. Yes, it may be you, it may be I, it may be someone by your side. Yeah. God bless someone today. Oh yes. God bless someone today. Ah. metiame subo. Yesue, woke metiame subo. Ametro, woke metiame subo. Titanja, yatempo, woke metiame subo. Commit your muscle. Yes, yes. Oh, commit your muscle. Yeah, wait. Oh, commit your muscle. Oh, commit your muscle. Go.

garde pas le silence. Ne garde pas le silence des femmes à cause. Ne garde pas le silence. Ne garde pas le silence. Ne garde pas le silence. Interviens ma faveur. Je suis marié sans enfant, diplômé sans emploi. Mon âge avance, toujours solitaire. Oh mon Dieu, vas-tu toujours garder le silence? Oh Seigneur, interviens ma faveur. Je suis marié sans enfant, diplômé sans emploi. Mon âge avance, toujours solitaire. Oh mon Dieu, vas-tu toujours garder le silence? Oh Seigneur, interviens ma faveur, Jésus. Ne garde pas le silence, oh Seigneur. Ne garde pas le silence, tu es mon seul secours. Ne garde pas le silence, défends ma cause. Oh Jésus, ne garde pas le silence, Seigneur. Mon ministère, aussi mes affaires. Ne garde pas le silence, car mon poste est menacé. Oh Seigneur, ne garde pas le silence. Ne garde pas le silence, ma vie est menacée. Oh Seigneur, ma santé, ne garde pas le silence. Jésus, ne garde pas le silence. Oh, oh. Je crois que mon Dieu ne gardera pas le silence. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la moquerie des ennemis, je sortirai vainqueur, car mon Dieu est vivant. Au nom de Jésus. Yamasiola bagbaje Vagbale mia umla nyela manami bodeme menye nye la mana mi bode me katula menye akofala menye oh oh oh nye la mana mi bode me Yesu mi te bagonye nye mesyo la bagbaje bagbale nye umla nye la mana mi bode me Yesu mi te bagonye nye mesyo la bagbaje Samaria, Mauvila, Wenyame Nouvela. otro today ya vaide kapena u maubila e wenyame nubela jojo deya samaria maubila e wenyame nubela All to the Lord be the glory. All to the Lord I will give my praise. All to the Lord be the glory. All to the Lord I will give my praise. All to Jesus, all to my Lord. All to the Lord I will give my praise. All to Jesus, all to my Lord. All to the Lord, I will give my praise. Glory, glory, glory, ba-da-da-ba-da. Glory, glory, glory, ba-da-da-da-da. Yesu amenubela, Yesu amenubela elo, Yesu amenubela, Yesu amenubela, amenubela, Yesu amenubela, Yesu amenubela elo, Yesu amenubela, amenubela elo, Yesu amenubela. Yesu amenubela, Yesu amenubela elo, Yesu amenubela, Yesu, Yesu, Yesu amenubela, Yesu amenubela elo, Yesu amenubela, amenubela elo, Yesu amenubela. Amen, Ubella. Yes, Amen. Yehose blona me, eh, eh. na, a wonye na mlo. Il te fera le même, ma foi me le confirme, il te fera du bien. Jésus m'a fait du bien, il n'a jamais changé, ma foi me le confirme, il te fera du bien, il est vivant. Oh. Il est vivant. Oh. Hey. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et surtout la démonstration de celles qu'on ne voit pas. Par la foi, là où tu as autrefois échoué, tu peux réussir au nom de Jésus. Il est vivant. Oh. Il m'a fait du bien. Il m'a fait du bien. Il te fera le même. Il te fera de même. Ma foi me le confirme. Il te fera du bien. Il n'a jamais. Listen, the time of recognition and elevation has come. Let's make use of it. Hope singers. I'm Nele abenam lo nye ma uwe ho akbelo Wasi vana lenye dole ba uchi Mela nule nunye ho nye ma uwe ho akbelo Soin de moi, ô Jésus, reçois la gloire. Tu me délivres de la maladie. Je suis la prunelle de tes yeux, ô mon Dieu, gloire à ton nom. Oh, Sabatani, Mama Sabatani, Heli Heli, Yema Omega Zidudu, Heli Heli, Heli Heli, Lama Sabatani, Lama Sabatani, Heli Heli, Yema Omega Zidudu, Omega Zidudu, Omega Zidudu. Yemawe, Yemao Mazidodio, Megazidodio, Mazidodio, Mazidodio, Mazidodio, Yemazidodio, Yemazidodio, Yemazidodio, Yemazidodio, I said, this is my word, you're going to be an actor. I'm going to be a millionaire. I'm going to be a millionaire. I'm going to be a millionaire. I'm going to be a millionaire. Mahou Megazidodio, Megazidodio, Mahou Megazidodio, Megazidodio, Mazidodio, Mazidodio, Israel Mutola, Mazidodio, Mahou Mazidodio, Megazidodio, Mazidodio. Je suis marié sans enfant, diplômé sans emploi. Mon âge avance, mais toujours solitaire. Oh mon Dieu, vas-tu toujours garder le silence? Oh Seigneur, interviens ma faveur. Je suis marié sans enfant, diplômé sans emploi. Mon âge avance, mais toujours solitaire. Oh mon Dieu, vas-tu toujours garder le silence? Oh Seigneur, interviens ma faveur. Jésus, ne garde pas le silence. Ne garde pas, ne garde pas le silence. Défends ma cause. Oh Jésus, ne garde pas le silence. Ne garde pas le silence. Ne garde pas le silence. Interviens ma silence, car mon foyer est menacé, mon ministère aussi mes affaires. Oh Seigneur, vas-tu toujours garder le silence? Oh mon Dieu, interviens ma faveur. Jésus, Jésus, ne garde pas le silence, ne garde pas le silence, ne garde pas, ne garde pas le silence. Oh mon Dieu, interviens ma faveur. Alléluia. Le chien du roi n'est pas roi des chiens. Alléluia. A foto la foto pour le tigre, un siata au siamiram. Maman de gagamonolao, ayez ma bronyamina madaheola. Alléluia. A soto pour nous foutons de pour nous. Maman mamie auto pour nous le Jésus Christ au bon commun. Alléluia. Hey! Alléluia, Yesu enyafia, Hosiana, Yesu enyafia, Bokono wodobono, Yesu wena amba. Alléluia, Alléluia, Yesu enyafia, Hosiana, Kristo enyafia, Bokono wodobono, ba Yesu wena amba. Alléluia, Babana, Alléluia, eh. Hosiana, Yesu enyafia, oblino wodo bonu, Kristo wena ama. Alleluia. Wodo bonu, wodri ba wo, dolele wo, eku bobo, wodo bonu, wodo bonu lo. benosia. Yesu akpe na wo. Dala akpe na wo. Ah, Yesu akpe. Akpe tutena. Yesu akpe na wo. Dala akpe na wo. Yesu akpe. Chica macho, chupo nyo. Voix nous n'a, yaouh, pas yo kata si yo met ton bon elela di bon la pour nous ana woji ateme di bon la pour nous bebe wo hola la degbe be dole le si yo kata si yo met ton bon elela di bon la pour nous ana woji ateme Jipo la ponu O hola la degbe Be ha ha si o kata Si o meto mune lela Jipo la ponu Ana woji a jeme Bati nene o Bati nene o Mano nene o Mano nene o Bati nene o la Bati nene o Mano nene maole Si yo kata, si yo meto mune lela Jipo la ponu, ana woji ajeme Mati nene o, mati nene o Mano nene ama o, mano nene o Mati nene o, mati nene o Mano nene ma o, mano nene o Si yo kata, si yo meto mune lela Jipo la ponu Ah, Novi, David, no brave, ya lufo, no cantine le mufra, ye ne tito de que le meñe, o mon ama, el ave maga kafui, ya a mesinye, ya fona me, plenye maula, que ma o haine le toti, o wesile yko y se novi, o se bo hanegal ma o kafuke, el ave a fun lo agbeme. Eye lu matro matro atro ne wene davido ne wene plemato ne le wena mwebia eh la wena ucha doto na se Hold on, you are holding me. no do si ma wo ma u peta ma de nwuti nyade ele me bagina de ka ma chi anyo Dosia do si ma wo ma u peta ma de nwuti nya ele me bagina de ka ma chi anyo Ma wo anya be Sika mau dando, kaira sika mau chana ma. Ela toma feminao, na zulu bia. Utaba voji na mukata, utaba fipo de wakatande. Asu jokani na, abare ina kato. I'm sumiasi mi awa ba ma voto ma upelo ma upelo lo sogbo ma upelo lo sogbo Pero no se

sogbo aso iyade emi e pe ju ajo re hallelujah Baby.